boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. I guess I've got myself a fan. It's fan behavior. You're a fan. As a result of my cold demeanor. You're pressed, a little bit obsessed. I take you for a friend. You take me as I am. I wonder what's going through. Tables have turned. I know it's crazy, but I love it. So for now in return, I guess I've got myself a fan. It's fan behavior. You're a fan. As a result of my cold demeanor. Hey, I just wanna say hey to let you know you blow. And all you did was feed my ego. Baby, even I tried to make amends, I guess till then, I got myself a. It's funny how the tables have turned, I know it's crazy, but I love it, so for now in return, I guess I got myself a fan. It's fan behavior, you're a fan, as a result of my. Just wanna say hey to let you know you blow, and all you do is feed my ego. And baby, even in the end, I tried to make amends, but I know until then, I got myself a fan. It's fan behavior. You're a fan. As a result of my call. Le très stylé Isaac Dunbar ouvre de façon inattendue notre pop and rock du soir. Pourquoi inattendu? Tout simplement parce que si ce titre a attiré toute mon attention, le reste de ses compositions, eh ben c'est plus proche de la soupe froide que d'un bon steak tartare. Par contre, les Fontaines D.C., mon groupe irlandais presque préféré du moment, est capable de vous offrir tout un album sans vous décevoir. On écoute dans Fontaines D.C., Roy's Tune. In the night time would kill you stone dead. It was a message I heard when the company said there is no warning and there is no future. I like the way they treat me, but I hate the way they use her. I hate the way they use her. I never really read. I spent the day in bed and my hair was red and my eyes weren't dead. I was a cool, cool kid on the curbstone scene, and the lights in my eyes, they were evergreen, like you never seen. In the night time would kill you stone dead. It was a message I heard when the company said there is no warning and there is no future. I like the way they treat me, but I hate the way they use her. I hate the way they use. Well, I never really read. I spent the day in bed, and my hair was red, and my eyes went dead. I was a cool, cool kid on the curbstone scene, and the lights in my eyes, they were evergreen, just like you've never seen before. They said the breeze in the night time would kill you stone dead. It was a message I heard when the company said there is no warning, there's no future. I like the way they treat me, but I hate the way they use her. I hate the way they use. Hey love, hey love, hanging on. Hey love, hey love, are you hanging on? Are you hanging on? Nous voilà déjà en septembre, les vacances sont finies, il va nous falloir beaucoup de courage pour redémarrer une longue année de labeur. Heureusement, la musique reste une fidèle compagne, notamment quand elle s'exprime par la voix des Belges de Balthazar. And it all the streets get so empty. And when it all the music die on me. And where have all the women gone this time? I need to find the right direction or a sign. Cause I can't wait any longer for the spoken word. Before it reaches us, so we'll get overheard by the man that takes, by the man he brings. I can't keep lingering or tell me where to sing. And when it all the streets lose their sound before the day breaks, gotta get on my feet, leave this town. Cause I can't wait any longer for the spoken word. Before it reaches us, so we'll get overheard by the wicked twins, by the blue-eyed king. Can't keep lingering or tell me where to sing. Cause I can't wait any longer for the spoken word. Before it reaches us, so we'll get overheard. L'autre jour, je causais avec des potes qui semblaient penser que ma culture rock était exclusivement anglaise, voire américaine. Du coup, j'ai commencé à lister tous les groupes de rock français que j'écoutais. Et la patatras, j'ai oublié de citer Dionysos. Erreur corrigée avec Dionysos et son coiffeur d'oiseau. Se disait coiffeur d'oiseaux, elle se cachait dans les branches, elle attrapait tous les oiseaux, elle découpait tout plein de formes, n'importe comment dans leurs ailes, avec ses ciseaux de couture et un joli petit peigne. Se sont mis à voler un pas de travers, et ils se cognaient dans les branches, et ils se cognaient même entre eux. Certains se fracassaient par terre en atterrissant à l'envers, l'un d'eux dans la roue d'un vélo, comme un poney dans les rayons, faisait penser à une coiffe de chef indien ensanglanté. Ouais, ok, Dionysos, ça cause aussi pas mal anglais dans leurs chansons, mais j'aurais pu citer dans ma liste des groupes de rock français No One Is Innocent. Si je me donne le choix, le soleil ou le bruit, qu'on me tende les bras, tourner dos au mépris, je laisserai filer ce besoin de nier. L'énergie fait de glace, celle qui m'a nourri, électricité urbaine ou la jungle est mon lit. Si je perds, un abri, le soleil ou les creux. Mais soyons francs, la chanson française est multiple et emplie d'artistes merveilleux, mais il y a pléthore de groupes anglo-saxons capables de vous faire danser et pogoter. Lorsque je pense rock, je pense beaucoup aux British et aux Ricains, et notamment à Jack White, qui avec ses Rockhunters reprend avec talent le titre de Richard Hell, Blank Generation. Some people like to rock, some people like to roll, but me, I like to sit around and satisfy my soul. I like my women short, I like my women tall, and that's about the only thing I really dig at all. I belong to the B generation, I don't let anything trouble my mind. I belong to the B generation, man, and everything's going just fine. It's gonna come down so hard. I was smoking on a cigarette. The Rock Hunters, Monster Magnet, il n'y a que dans Pop and Rock que vous trouverez cette énergie. Parce que dans Pop and Rock, sur RVR, on choisit la musique que l'on veut, loin des modes et des standards qui emplissent toutes les radios dites périphériques. La preuve, cherchez donc une station qui vous passe le groupe de Anton Newcombe, de Brian Johnston Massacre. Pop and Rock est diffusé de 17h à 18h tous les lundis. Pas sûr que les artistes et groupes que nous écoutons ce soir aient les yeux ouverts à 7h. Je suis même quasi sûr qu'ils seraient tous très surpris de se savoir diffuser sur les ondes de la très locale Radio Val de Rhin. Montez le son et attention à vos neurones car voilà les Viagra Boys avec Six Shooter. Ça pousse, ça pulse, ça provoque. Six Shooter des Viagra Boys, il existe une version de 7 minutes 30. J'ai eu pitié de vous, j'ai choisi la version 4.50. Thank you. blood is cold. Julio, you're not used to finger guns. You're gonna show the man. Viagra Boys, ça vous parle pas? Alors il y a aussi Noir Désir. Avant de s'élancer, one trip, long One Trip, One Noise des Noirs Désirs. Sur le même album, Soyons désinvoltes, n'ayons l'air de rien, il y avait aussi un titre À ton étoile, mais réorchestré avec le divin Jan Tiersen. Ça donnait ça. Sous la lumière en plein, et dans l'ombre en silence, tu cherches un abri inaccessible. Dis-toi qu'il n'est pas loin et qu'on y brille à ton étoile. À ton étoile. Petite sœur de mes nuits, ça m'a manqué tout ça. Quand tu sauvais la face à bien d'autres que moi, sache que je n'oublie rien, mais qu'on efface à ton étoile. À ton étoile. À ton étoile. À ton étoile. Toujours à l'horizon. Soleil qui s'incline, comme on n'a pas le choix, il nous reste le cœur. Tu peux cracher, même rire, et tu le dois à ton étoile. À ton étoile. Marcos à la joie, à la beauté de rêve, à la mélancolie, à l'espoir qui nous tient, à la santé du feu et de la flamme, à ton étoile. À ton étoile. À ton étoile. Pop and Rock s'adoucit en cette fin d'émission, et pour cela on va retrouver les potes du Brian Johnston Massacre, à savoir les Dandy Rattles, capables du meilleur comme du pire. Ce soir j'ai choisi You Are The Last Height, titre plus pop que rock. On poursuit donc notre Pop and Rock avec les Dandy Rattles. Thank you. Restons dans la douceur de la pop pour retrouver les filles de First Aid Kit, Stay Gold, sur RVR dans Pop & Rock comme tous les lundis de 17h à 18h. Sun shone high those few summer days, left us in a soft, wide-eyed haze. It shone like gold. It shone like gold. But just as the moon, it shall stray. So dawn. No gold can stay. What if our hard work ends in despair? What if the road won't take me there? Oh, I wish for once we could stay gold. What if to love and be loved's not enough? What if I fall and can't bear to get up? Oh, I wish for once we could stay gold. We could stay gold. We'll be right back. Les Alaskiens de Portugal The Man, groupe atypique avec des gueules cassées qui réussissent à s'imposer dans notre monde si attaché à l'image. Perso, je suis toujours très surpris par les exceptions et Portugal The Man en est une dans notre univers musical. N'hésitez pas à aller écouter, de nombreuses perles vous attendent dans leurs albums comme le Plastic Soldiers que nous venons de programmer. Autre perle du rock américain, le groupe de Robert Podlard, Guided by Voices. Capable de concerts de plus de 15 heures. Si, si, vous avez bien entendu. Prolifique, le Robert. Guided by Voices, I am a scientist. I am a scientist. I seek to understand me. All of my impurities and evils yet unknown. I am a journalist. I write to you to show you. I am unincurable. Nothing else behaves like me. But I'm losing sight of the clues for which I such a choose to abuse. You just unlock my mind, yeah, just unlock my mind. I am a pharmacist, prescriptions I will fill you. And medicines to ease your painful lives. I am a lost soul. I shoot myself with rock and roll. All I dig is bottomless. Nothing else can set me free. Allez les gars et les filles, c'est l'heure de se quitter, on va donc filer les clés à la plantureuse Beth Dido de Gossip pour finir en force et en beauté notre 134e Pop & Rock et sur ce rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, bis à tous.